Tout de suite, c'est l'heure d'Histoire vivante. Restez avec nous sur la première. Infotrafic RTS. La Transjurane est actuellement fermée entre Porrentruy-Est et Courgenay en direction de Delémont suite à un accident. La circulation est déviée sur la route cantonale. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Finalement, il se passe beaucoup plus de choses parmi les gens qui ne sont pas engagés ou qui ne se réclament pas forcément de grandes causes que chez des militants qui, en général, c'est vrai, vous reproduisent directement un discours assez attendu, sauf très rares cas. J'habite une campagne dans un petit village de 300 habitants, 80 km par jour en bagnole, et croit que c'est sa prime de 30 euros qui va nous faire changer d'avis, mais il peut s'en mettre dans son cul. On a donné au Royaume-Uni le droit aux consommateurs, aux associations de consommateurs, de porter plainte contre une grève qui entraverait le droit à disposer d'un produit ou d'un article en magasin. Pour qu'un syndicat puisse s'implanter dans une entreprise, il faut que, dans un premier temps, ce syndicat ait obtenu 30% de signatures, à la suite de quoi, dans un deuxième temps, il doit obtenir, sous la supervision de l'État fédéral, d'une agence fédérale qui s'appelle le National Labor Relations Board, il doit obtenir 50% plus une voix, donc la majorité des voix, qui exprime l'intention de se syndiquer et qui va donner, à la suite de ce processus, le monopole de la représentation au syndicat en question. Cette semaine, négociation ou dialogue de sourds. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La grève. Suite de notre semaine consacrée à la question de la grève, avec aujourd'hui et demain le chercheur Jean-Marie Pernaud, qui nous permettra d'avoir une perspective historique. Mais avant cela, un petit écart pour se remettre en mémoire ou découvrir, c'est selon, un travail mené au sein des entreprises allemandes par le journaliste Günther Wallraff. Se déguisant sous différentes identités, un Turc, c'était sa première enquête, un Noir, un SDF, Wallraff, par sa technique d'immersion, va jouer un rôle non négligeable dans l'Allemagne sociale et économique contemporaine. Une bonne moitié de mon travail consiste non pas à publier des articles ou des livres, mais à appeler les dirigeants d'entreprises pour les confronter aux problèmes qui m'étaient rapportés. Leur dire « Faites attention, faites quelque chose, ou alors je serai obligé de publier un article ». Et là, j'arrive souvent, et sans avoir d'article à publier, à obtenir des améliorations et m'assurer que ces droits s'inscrivent dans la durée. Je crois que le monde imaginé par George Orwell s'est effondré avec la fin du communisme stalinien. Et Dieu merci, ce système s'est effondré tout seul. En revanche, ce qui est en train de voir le jour, c'est le monde imaginé par Aldous Huxley, Brave New World, le meilleur des mondes. Cela s'appelle de la soumission volontaire. C'est un monde où l'industrie de divertissement empêche les gens de trop réfléchir à leurs problèmes et à ceux de la société, où les liens de solidarité dans le monde du travail sont battus en brèche. Les gens deviennent comme des balles de ping-pong dans les mains de grands intérêts économiques. Il existe des moyens pour lutter contre ce monde-là. Ma contribution fait partie de mon travail. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, Jean-Marie Pernaud. Je suis chercheur en sciences politiques. Je suis associé à l'Institut de recherche économique et sociale et à un autre institut d'histoire qui s'appelle le Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Et je travaille sur les mouvements sociaux, le syndicalisme, en France et ailleurs. Si l'on devait un peu avoir une représentation de cette diversité qui est opérante sur l'Europe concernant la contestation sociale concernant la question des mouvements de grève, si vous pouviez peut-être, à l'aide de quelques exemples concrets, nous dire « ici, ça se passe plutôt comme ça, ici, on n'a pas le droit, ici, ceci, ici, cela », ça nous donnera un peu les couleurs de l'éventail. Oui, vous avez raison, on ne peut pas avoir une idée d'ensemble sans avoir à l'esprit les systèmes de règles qui encadrent la grève. En réalité, la différence de tradition ou de pratique de la grève renvoie pas forcément au degré plus ou moins protestataire des gens, mais aussi de la place qui est reconnue à la grève dans les systèmes de relations professionnelles. Il y a des pays où elle est extraordinairement contrainte par le droit. Je pense au Royaume-Uni, par exemple. Pour faire grève aujourd'hui, il faut être un héros au Royaume-Uni. Hein, depuis les années, ce qu'on appelait les années Thatcher, mais qui se sont poursuivies après, qui ont été pas beaucoup modifiées d'ailleurs par les mandats travaillistes depuis, ceux de Tony Blair en particulier. Donc la grève est extrêmement contrainte. Elle l'est aussi en Allemagne, par exemple, hein, où on ne peut faire grève que dans un temps déterminé à propos du contrat collectif qui doit être signé. La grève ne peut porter que sur les thèmes qui sont au contrat, qui sont négociés. Donc on peut pas avoir des mouvements de grève comme on peut avoir en France sur des sujets, disons, un peu plus politiques ou qui débouchent sur des politiques publiques. Donc ces systèmes de droit sont extrêmement différents, il faut les avoir à l'esprit. À qui demande-t-on l'autorisation, par exemple en Grande-Bretagne ? Il n'y a pas d'autorisation préalable à demander. Enfin si, ça passe. La première autorisation à demander, c'est aux travailleurs, avant de lancer un mot d'ordre de grève, puisque que ce soit en Allemagne ou au Royaume-Uni, ça passe par un vote. On ne peut lancer un mot d'ordre de grève au Royaume-Uni que si on a soumis la proposition au vote des travailleurs. Et même chose en Allemagne, d'ailleurs. Donc il y a quand même, cette contrainte. Après, c'est les juges qui surveillent. Donc, par exemple, on a donné au Royaume-Uni le droit aux consommateurs, aux associations de consommateurs, de porter plainte contre une grève qui entraverait le droit à disposer d'un produit ou d'un article en magasin. Donc, là, il y a recours aux juges. En Allemagne, les juges sont très présents aussi pour encadrer les conflits. Et on a vu, par exemple, au cours des années récentes, des conflits naître dans des entreprises, ce qui est peu l'habitude en Allemagne. Le conflit s'exerce par le syndicat au niveau des branches professionnelles. C'est très codifié. Mais la grève d'usine, normalement, n'a pas sa place dans le droit. Mais on a vu quand même des conflits chez Alstom, par exemple, en 2006 ou 2007, lors d'un... pas d'un renouvellement de contrat d'entreprise, mais de la volonté de la direction de revenir sur des aspects du contrat antérieurement signé. Là, les travailleurs et les syndicats se sont offusqués. Ce ne sont pas des méthodes à l'allemande. Et donc, il y a eu des troubles dans l'usine elle-même, alors que, normalement, le droit de grève n'est pas reconnu. Ça veut dire que là, on est arrivé à un tel point qu'on a même plus peur de la loi pouvant éventuellement sévir, ou... la loi a considéré légitime qu'il y avait eu effectivement franchissement de barrières. La jurisprudence est très très importante. On parle de l'Allemagne hein, là dans ce cas. C'est très intéressant parce que les syndicats à l'époque ont dit oui certes nous sortons du jeu, mais c'est l'entreprise qui est sortie du jeu. C'est elle qui a initié la sortie de la règle, parce qu'en Allemagne, lorsqu'on signe un contrat pour 3 ans, on signe un contrat pour 3 ans. Et qu'en réalité, cet engagement est la contrepartie de l'acceptation par les syndicats d'un système qui est orienté vers la paix sociale. La paix sociale a des contreparties de loyauté de l'employeur, et à partir du moment où c'est lui qui s'est montré déloyal au regard du contrat signé, eh bien les syndicats s'estimaient en droit de modifier la règle. Et d'ailleurs, les juges ont suivi. En l'occurrence, on considérait qu'alors on a adapté. Le syndicat de la métallurgie allemande a proposé une convention collective d'entreprise, ce qui est un être juridique pas très courant, mais les juges ont suivi, puisque l'impératif c'était de retrouver les voies de la paix sociale. Celle-ci doit passer par une négociation et donc une convention collective d'entreprise. Pourquoi pas si ça permettait de régler une question qui pour eux n'avait que trop duré, puisque l'usine a été bloquée quand même pendant pas mal de temps. En Allemagne, le mouvement de grève des fonctionnaires s'étend. Ce mercredi, ils étaient près de 70 000 dans les rues des grandes villes. Entamée en début de semaine, cette mobilisation vise à faire pression dans les négociations salariales en cours. Les syndicats réclament une augmentation de salaire de 6,5% avec un minimum de 200 euros de plus par mois. Oui, on est en colère, car on travaille de plus en plus alors qu'on est de moins en moins nombreux. On veut une compensation. Ceux qui ont un boulot ne gagnent pas beaucoup. En revanche, les patrons s'en mettent plein les poches. Et moi, ça me révolte. Les syndicats du public rappellent que ces dernières années, à cause de la crise, ils avaient accepté de mettre en sourdine leurs revendications. À présent, ils réclament un geste fort de la part de l'État fédéral. Ce mouvement pourrait prendre encore plus d'ampleur car le secteur privé a également entamé des discussions salariales et certains syndicats pourraient à leur tour recourir à ces grèves d'avertissement. Jean-Marie Pernaud, poursuivons peut-être l'observation évidemment à moyenne altitude de l'Europe. Selon que l'on soit au nord ou au sud, il semble qu'au sud la grève prenne plus volontiers. Première peut-être aperçue d'ensemble, est-ce qu'en Europe du Nord on a tendance à pacifier les questions de sociales, tandis qu'au Sud elles sont plus volontiers exacerbées? Alors, c'est une catégorie à travers laquelle on a souvent lu pendant toute une assez longue période, il y a eu des typologies de sociologues ou d'historiens ou politistes sur ces sujets-là. Alors évidemment il y avait l'Europe du Sud, l'Europe latine, avec le tempérament bouillant que chacun connaît, où il y avait beaucoup de grèves, beaucoup de jours de grève, et l'Europe du Nord avec ses dispositifs de paix sociale. Entre les deux, on pouvait trouver le Royaume-Uni, les États-Unis, où il y avait énormément de grèves. Là, le tempérament latin y était pour peu de choses. La Belgique aussi, qu'on rattachait un peu à l'Europe du Sud, parce que c'est un pays où la pratique de la grève est assez intense. Mais ces catégories ont beaucoup bougé. Et notamment dans les systèmes nordiques, qui étaient réputés pour le savant dosage de négociation, d'encadrement, de production de compromis, tout ça c'est un peu grippé dans les années 90-2000, et aujourd'hui il devient difficile d'observer le respect de cette grande catégorisation. D'abord en France, il y a finalement assez peu de grèves. On parle beaucoup des grèves en France, on parle surtout des grèves des services publics, mais en réalité, dans le secteur privé, la grève aujourd'hui n'est pas une pratique extrêmement répandue. Elle fait beaucoup de bruit, parce que quand elle se déclenche, elle est souvent vigoureuse, elle intervient dans des situations de crise, d'entreprise, de restructuration, c'est un peu des mouvements, le dos au mur, les dernières, mais on n'a plus les conflits un peu conquérants qu'on avait dans les années antérieures, dans les années 70, qui ont été l'acmé de la conflictualité sociale en France. Donc aujourd'hui, on a des grèves disséminées dans les établissements, dans les entreprises. On a plutôt, la forme du mouvement social s'est plutôt manifestée dans les grands mouvements, ce que j'appelle moi le grand cycle conflictuel, enfin de 1995 à 2010, où on a des grandes manifestations qui traversent le pays, mais qui, au fil du temps, s'avèrent moins grévistes. C'est-à-dire que en 2015, il y a beaucoup de grèves en soutien de ce mouvement. Il y en a un peu moins en 2003-2006, et le mouvement de 2010 est un mouvement dont le support gréviste est relativement atténué. Et donc en fait, lorsqu'on parle, alors en 2010, on voit quand même le nombre de jours de grève bien sûr monter dans les statistiques, mais dans une tendance qui est très très faible. Et en revanche, effectivement, les pays d'Europe du Nord peuvent, dans les classements internationaux, remonter très haut, parce que ils font pas grève souvent. Mais quand ils font grève, ça fait du monde et ça fait beaucoup de jours de grève. Donc dans les indicateurs qu'on utilise en comparaison internationale, on peut voir remonter un coup la Norvège, un coup le Danemark. Sur une période, il y avait un rapport au sénatorial d'ailleurs en France paru il y a quelques années, qui selon les années évidemment que l'on choisit, enfin la période que l'on choisit, montrait le Danemark sortant premier du hit parade du plus grand nombre de jours de grève rapportés au nombre de salariés bien sûr. Vivante. Suite de l'entretien avec Jean-Marie Pernaud. On imagine qu'un pouvoir autoritaire interdit par nature toute forme de protestation ou de revendication sociale. Sans doute, le Portugal de Salazar ou l'Espagne de Franco étaient moyennement favorables à ce moyen d'expression. Cela dit, il est aussi tout à fait possible que d'autres types de gouvernements ne soient absolument pas favorables à la manifestation de la protestation sociale telle que la grève. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer là-dessus, Jean-Marie Pernaud ? Il y a des tendances dans l'Europe aujourd'hui, qui est un peu... qu'on retrouve aussi dans le champ politique, une montée de références autoritaires, et il n'y a pas de raison qu'on les retrouve pas en déclinaison dans d'autres champs de politique au sens le plus large du terme. Et c'est vrai que pour faire vite, appelons ça le tournant néolibéral qui affecte l'Europe et plus largement depuis 20 à 30 ans, a tendance à disqualifier la pratique de la grève, à la considérer comme non légitime puisque « there is no alternative », comme disait Madame Thatcher. Donc toutes les forces, tous les mouvements qui s'opposent à la réforme nécessaire, puisque aujourd'hui les conservateurs ne conservent plus, ils réforment. Et évidemment, ça a généré beaucoup de conflits qu'on peut appeler des conflits défensifs, de défense par rapport aux acquis des périodes antérieures, et monter dans les sociétés un espèce de discours très hostile aux grèves qui ont l'air d'empêcher la marche en avant de la société. Alors, en avant, on ne sait pas toujours vers quoi, mais cette idée de la marche, en France, nous avons un nouveau parti qui s'est créé il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle En Marche, n'est-ce pas ? On les appelle des marcheurs. On ne sait toujours pas très très bien vers où cette marche est censée nous conduire, vers la réduction des dépenses, vers la réduction des déficits, etc., qui a l'air de tenir lieu de ligne directrice. Et évidemment, face à ça, les mouvements qui s'opposeraient à ça et qui demanderait plus de dépenses publiques en matière de santé, en matière de logement, de transport, etc., sont délégitimés dans le discours politique. D'où la tentation, particulièrement marquée en France, d'ailleurs, depuis 3-4 ans, alors qui survient curieusement pendant un gouvernement socialiste ou social-démocrate, de durcissement de la répression des grèves et des syndicalistes. Et ce qui est une donnée quand même... assez étrange qu'un des gouvernements libéraux, et qui devraient être portés plutôt vers une certaine tolérance à la protestation sociale, ont été en fait les fourriers d'un raidissement à l'égard de l'usage du droit de grève. La grève est-elle naturellement, par essence, de gauche ? Oui, c'est une bonne question. Non, elle ne l'est pas nécessairement. Elle l'est historiquement en tant que phénomène social, parce qu'elle a été imposée dans l'espace public par le mouvement ouvrier. Après, sa pratique s'est étendue à d'autres catégories de la population, y compris hors du mouvement salarié. On a eu des grèves d'avocats, on a des grèves de médecins, sous des formes diverses. Chaque milieu adapte évidemment le moyen d'action, mais c'est une façon de faire émerger, de poser dans l'espace public des réclamations ou des revendications. Donc c'est une modalité qui s'est répandue largement au-delà du mouvement ouvrier jusqu'à effectivement recouvrir des aspirations qui n'étaient pas forcément... Alors il y a la tradition de la grève américaine aussi qui est une vieille histoire et qui s'inscrit pas nécessairement dans des mouvements très progressistes. C'était ce qu'on appelle le gompérisme aux États-Unis de Samuel Gompers, qui a été le premier fondateur de l'American Federation of Labor, l'AFL, le syndicat historique, qui pratiquait les grèves, mais son mot d'ordre était « more, more, more », traduit plus récemment par « jobs, jobs, jobs », mais qui est au fond ce qu'on appelait le syndicalisme pur et simple, c'est-à-dire qu'il ne s'encombrait pas de références idéologiques, d'aspirations, alors qu'à la même période, le tournant du XXe siècle, les mouvements syndicaux en Europe s'inscrivaient dans la montée des références socialistes ou social-démocrates dans les sociétés. Les deux mouvements sont parallèles, hein, le développement de la grève, du mouvement ouvrier, et la diffusion des idéaux d'émancipation hérités des Lumières, mais reformalisés par les différentes pensées socialistes. Quand je dis socialistes, ça va des anarchistes aux sociodémocrates, hein, comme référent général. Mais il y a des mouvements qui se sont développés, le gompérisme aux États-Unis et d'une certaine manière le trade unionisme britannique se sont développés largement en dehors de ces références-là, hein, à travers ce qu'on appelait le syndicalisme pur et simple. Alors dire que c'était un syndicalisme de droite, c'est toujours un petit peu, enfin un syndicalisme ou une pratique droitière de la grève, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas ce n'est pas une grève qui porte en elle-même l'idée de l'émancipation sociale. Elle veut se faire une place, les travailleurs veulent se faire une place plus grande à l'intérieur du système, mais ne touche pas, n'envisage pas de toucher à la logique même du système. Les pilotes de la compagnie aérienne scandinave SAS sont en grève depuis vendredi en Suède, au Danemark et en Norvège. Résultat, 70% de la flotte est clouée au sol. Quelques 170 000 passagers seront touchés pendant le week-end. Plus de 500 vols sont annulés, comme ici à l'aéroport de Copenhague. Les pilotes exigent une augmentation de leur salaire de 13%. Les horaires de travail contraignants sont également en cause. SAS a lancé plusieurs programmes d'économie ces dernières années après avoir frôlé la faillite en 2012. Jean-Marie Pernaud, qu'est-ce que c'est que cette exception danoise ? Que nous font-ils les Danois ? Ils ont tendance, au contraire de leurs voisins scandinaves, à être plus volontiers hardis dans la bataille ? Non, il y a une tradition d'échange social qui est inscrite dans l'histoire longue des relations sociales au Danemark et qui ont fait que il y avait une imbrication extrêmement forte, ce qu'on appelle le régime social-démocrate, qui s'est institué dans les pays nordiques dans l'entre-deux-guerres et plus particulièrement après-guerre, s'agissant du Danemark, avec une très forte intégration entre le parti social-démocrate, qui s'appelle le parti du travail là-bas, et les syndicats, avec une logique d'ailleurs de syndicat unique, qui était un syndicat ouvrier, hein, LO, Landsorganisationen, et qui regroupait à peu près la totalité de la classe ouvrière. Et sur cette base-là, un compromis social se faisait à trois, entre un État animé par les forces politiques plutôt progressistes, mais même lorsque des forces plus conservatrices arrivaient au pouvoir, elles étaient d'une certaine manière un peu prisonnières de ce système-là, avec une sorte de filtrage des politiques publiques par l'échange patronat-syndicat. Donc les projets politiques étaient soigneusement calibrés, on ne légiférait pas à tout va, sans tenir compte de ces longs processus d'ajustement qui se faisaient par des processus de sociabilité divers, la négociation, mais aussi le fonctionnement interne du Parti du Travail, dans lequel les syndicats étaient très imbriqués, donc elles contribuaient en amont à la fabrication des politiques publiques. Donc évidemment, les raisons de conflit étaient relativement peu visibles, elles étaient très très filtrées, hein, par cet appareillage assez sophistiqué qui a tenu assez longtemps. Mais assez longtemps, ça ne veut pas dire éternellement, et dans les années 80, on a commencé à voir se fracturer ce bel édifice, et qui s'est traduit dans les années suivantes, la décennie 90, dans ces pays-là, par une prise de distance entre le syndicat et le parti. D'abord une diversification syndicale. Sont apparus des acteurs qui n'étaient pas tout à fait nouveaux, mais par exemple les syndicats de cadres, de l'encadrement, de fonctionnaires qui ont pris une place plus importante parce que le salariat s'est diversifié bien au-delà de la classe ouvrière. Donc cette relation entre le Parti du Travail et le grand syndicat s'est un peu érodée. Il y a d'autres formes syndicales qui sont venues se mettre dans le jeu. Et puis il y a cette évolution de la social-démocratie qui a pris acte d'un certain nombre de credos du libéralisme et qui a commencé à regarder la dépense publique sous un autre jour, qui a commencé à vouloir modifier les règles du marché du travail, hein, le paradigme de la flexibilité est rentré au Danemark. Alors il a été très maîtrisé, hein. C'est un pays où il y a une très forte rotation sur les emplois, il y a une très forte surveillance, encadrement du marché du travail, mais il y a eu aussi le développement de formes d'emploi qui échappaient au CDI classique, le développement d'un décrochement salarial. Du coup, les syndicats se sont un peu raidis et il y a eu une distance très très nette entre le parti et le syndicat, qui fait qu'on a retrouvé un espace au fond de contestation. Les employeurs, évidemment, se sont engouffrés dans cette brèche, et lors du renouvellement bisannuel du contrat collectif, puisque c'est comme ça que fonctionnent essentiellement les relations professionnelles là-bas, on a tous les deux ans, on remet sur la table la question des salaires, des qualifications, etc. Et là, on a vu se crisper très nettement dans les années 2000 les tensions, ce qui fait que les syndicats, si vous voulez, dans ces pays-là, on a l'habitude de dire que c'est des systèmes qui fonctionnent sans la grève. Et pour l'essentiel, c'est des systèmes qui fonctionnent sans la grève, sauf que elle est toujours là. C'est-à-dire que le système fonctionne bien quand la grève n'a pas besoin d'être remise en chantier tous les ans ou tous les deux ans, lorsque les acteurs n'ont pas besoin de faire la preuve en permanence qu'ils savent encore la faire. Et l'efficacité du système, il y a un véritable échange social, non pas quand on fait grève, mais quand tout le monde a dans la tête le fait que les syndicats peuvent la faire, et que le jour où ils la font, eh bien, il y a des désagréments pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal à suivre les réflexions sur « ah oui, mais ailleurs ça marche mieux parce que il y a pas la grève ». Bah si, mais la grève elle est dans les têtes plus avant d'être dans les faits. Mais régulièrement les syndicats, et c'est très net, on le voit dans le profil des syndicats allemands par exemple, hein, ils choisissent, voilà, il y a pas d'effet mécanique bien sûr, mais tous les 4, 5, 6 ans, 10 ans, il faut qu'ils montrent qu'ils sont encore capables de faire une grève, parce que sinon le reste du temps le système ne peut pas marcher. C'est peu de dire qu'un mouvement et un syndicat, un mouvement de grève et un syndicat peut changer le cours d'un pays, mais évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer un syndicat comme Solidarność qui, à lui tout seul, a fait quelque peu basculer l'histoire. Faudra peut-être vous entendre là-dessus et en même temps nous mettre côte à côte, Jean-Marie Pernaud, si vous le voulez bien, le fait que, puisque vous avez étudié plutôt l'histoire sur sa longueur, se dire que quasiment en face de Solidarność, on trouve le There's No Alternative de Margaret Thatcher. On voit qu'il y a un côte à côte là dans cette période-là. On a l'impression que c'est un petit peu un qui tout double. Est-ce que vous pourriez nous donner votre lecture de cette séquence historique ? Ah, le tournant 79-80 est évidemment une marque importante. Hein. Margaret Thatcher arrive au pouvoir, la révolution iranienne, Jean-Paul II au Vatican, le syndicat Solidarność qui en 80 montre sa force, non seulement une force syndicale, mais une force sociétale, qu'il devient un acteur politique au sens plein du terme. On a là une grande bascule hein, au début de ces années 80. On est véritablement à une période qui se décline différemment selon les lieux où on la regarde, mais qui a changé le cours du monde. Évidemment, l'apothéose, c'est 89, avec la chute du mur et la fin de ce que Eric Hobsbawm appelait le court 20e siècle. Hein, donc, l'effondrement de l'URSS, de l'Union soviétique, du système communiste à l'est de l'Europe, rebat totalement les cartes et a des effets très profonds dans toutes les structures sociopolitiques du continent. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les mouvements sociaux sont pas une catégorie à part dans le mouvement de l'histoire. On le voit dans l'histoire longue, les mouvements sociaux jouent un rôle tout à fait déterminant. Le syndicalisme au Royaume-Uni a joué un rôle très considérable, et en France aussi, à sa manière, hein, bien sûr. Donc, tout ça plaide pour ne pas voir rabattre le syndicalisme a sa pure fonction économique. Très souvent, en plus dans la pensée néolibérale, le syndicalisme c'est ce qui entrave le marché du travail. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Hein, c'est faux. Les conventions collectives sont une entrave au droit de la concurrence. Il faut accepter ça. Et ça a été fait pour ça d'ailleurs, pour entraver la possibilité de mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres. Les conventions collectives sont ce qui borne les conditions dans lesquelles la concurrence peut se faire, donc elle sanctuarise un certain type de droit des salariés, elle implique que les entreprises cherchent à se faire concurrence sur d'autres aspects, la qualité des produits, l'innovation, etc. Donc on voit bien à quel point la façon dont le mouvement syndical, dont les mouvements sociaux s'organisent, sont liés à l'histoire sociale et politique des pays, et ça va chercher parfois dans des traditions assez longues. Avec des ruptures, bien sûr. Hein. Et lorsque les systèmes communistes s'implantent en Europe centrale, général après-guerre, c'est une rupture. Mais après 30-40 années de domination de ce système, on voit renaître des mouvements du fond de la société. C'est ce qui fait toute la richesse de l'étude de ces formes sociales, hein, qui sont quand même des opérateurs historiques tout à fait importants. Demain, la suite de cet entretien, nous retrouverons au micro d'Histoire Vivante le chercheur Jean-Marie Pernaud. Histoire Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.